Chapitre 8e. Tabitha, comtesse de Peebles, donne tous les hivers de fort belles soirées et très courues. On y voit des lions, des étoiles de toutes sortes, surtout des lions et des étoiles littéraires. Un de ses habitués, poète d'un certain renom, remis sur quelques traces perdues par l'odeur d'un beau géranium, et peut-être aussi par l'ennui de ne voir autour de lui que d'assez tristes visages, ne s'avisa-t-il pas de lui demander l'autre soir ce qu'était devenue Lady Penrhyn? Tib, à cette question indiscrète, se crut tenu de rougir et de baisser les yeux. Comment pouvait-on supposer qu'elle eût conservé le moindre rapport avec une femme séparée de son mari? Mais elle ne rougit pas qui veut, et Tib ne put qu'affecter un air distrait. « Je la prends morte depuis longtemps, répondit-elle, mais je ne l'ai pas revue une seule fois après son départ de Penrhyn Castle. » Puis, devinant que sa pruderie s'adressait mal et jugeant l'air mécontent de son interlocuteur, il gardait un bon souvenir à Eleanor. Elle craignit d'effaroucher mal à propos ces tournements obligés de ses réunions. « Venez lundi, reprit-elle, je vous ferai dîner avec quelqu'un qui vous en dira plus long sur ce sujet. » Le poète s'inclina et revint très ponctuellement au jour indiqué. Dans l'intervalle, il avait envoyé à Tib une sorte d'élégie didactique intitulée « Printemps ». Par une allusion délicate à cet envoi, Tib lui fit servir des pois verts de première primeur, et le poète ne songeait plus le moins du monde à Eleanor quand, à l'issue du dîner, la maîtresse de la maison lui présenta un gentleman écossais du nom de Malcolm. C'est le même que nous avons vu porter le dernier coup à Lady Penrhyn en lui annonçant si tranquillement une bonne nouvelle. Il était volontiers bavard, et sauf quelques lacunes faciles à combler pour un poète, il mit son interlocuteur au courant de tous les détails qu'on a lus. Une fois sur la voie, notre faiseur de verre voulut en savoir plus long. Voici en résumé ce qu'il apprit. Sir Stephen, devenu veuf, a épousé Bridget Owen. La loi écossaise, indulgente à 16 heures, leur donnait ce moyen de légitimer leurs enfants adultérins, dont l'aîné se trouve maintenant héritier présomptif des domaines paternels, y compris le petit cimetière où dorment côte à côte Cléphane et Frédéric. Lady Macfarlane, furieuse de cette mésalliance, est à couteau tiré avec Bridget. Tabitha, comtesse de Peebles, prévoyant que son cher comte peut d'un jour à l'autre lui faire faux bond, s'est hâtée tout au contraire de se lier avec la nouvelle Lady Penrhyn, et ces deux dames vont ensemble à Hyde Park l'été se faire admirer à titre divers. L'une pour son bel équipage armorié, l'autre pour sa beauté singulière, originale, que lui envient les femmes les plus décidées à lui témoigner par leur mépris qu'elles connaissent ses antécédents. David Stewart élève la fille de Lady Margaret, Euphémia Fordyce, comme jadis il élevait Eleanor Raymond avec le même zèle et le même succès. Sa femme lui a donné plusieurs enfants. L'aîné porte le nom d'Eleanor en mémoire de l'amie qui n'est plus, qu'on regrette et pour laquelle on prie. Lady Margaret ne sait pas, personne ne sait, excepté Godfrey Marsden, réduit d'ailleurs à de simples conjectures, qu'Eleanor a aimé David Stewart et que David Stewart a voulu épouser Eleanor. Elle se croit la passion unique, le bonheur suprême de son mari. Elle croit et mérite de croire qu'elle le possède tout entier, mais cela n'est pas. Quelque chose de froid gît au fond du cœur de David Stewart, que nul sourire de Margaret, si radieux et si chaud qu'il puisse être, ne fondra jamais. Un souvenir triste, que toute sa brillante gaieté n'effacera point, le souvenir d'Eleanor, de cette Eleanor si complètement à lui, qu'il a aimé, qu'il a tué. Ce souvenir rend à ses côtés le beau domaine de Dunleth, ce domaine, cause de tout le mal, qu'elle voulait racheter pour le lui rendre, qu'il tenta de ravoir au risque de la ruiner, et par le fait en ruinant l'avenir de cette douce et charmante créature. Il ne regarde jamais sans quelque effroi cet enfant, préféré à ses frères et sœurs, qu'il a voulu nommer Eleanor en mémoire de la chère morte. Car il a peur que le ciel ne le punisse en elle, qu'il n'envoie la misère à la fille du tuteur infidèle, un mauvais mariage à l'homonyme de Lady Penrhyn. Cet enfant, sur les genoux de son père, le soir, au soleil couchant, ne sait pas s'expliquer pourquoi il se tait tout à coup, et pourquoi les ombres passent sur son front comme sur les murailles grises du château. Mais elle comprend qu'il a du chagrin, et sans le consoler autrement, elle appuie contre sa joue humide, sa joue pâle et fraîche. Ainsi s'achève Eleanor Raymond, Histoire de notre temps, par Émile de Renforgue.